compliqué qu'une carte son normale parce que ça passe par la table et elle, chaque entrée fait à la fois entrée et à la fois sortie, tu vois, c'est bizarre. C'est ça, c'est bon, il est un peu dans l'inspiration de l'autre que j'avais fait, hein, j'avoue. Ouais, chez tout le monde en lointain, c'est bizarre. Ah, ça y est, j'entends Luc. Yes. Luc, je t'entends, hein, si jamais. En tout cas, je t'entends, Luc. Ouais. Mais déjà, c'est bien, on s'entend tous les trois normalement là. On s'entend tous? Allô? Vous m'entendez? Ah ouais? Moi, je l'entends pas bien. Moi, j'entends pas Luc, c'est normal? Allô? Moi, j'entendais pas Luc. Hein. Mika. De quoi? Tu m'entends? T'es connecté. T'es sur la page du milieu là ou t'es de côté à gauche? On s'entend là? Quelqu'un Quand m'entend? t'es connecté, Allô? t'es comment ça? T'es quand t'es connecté, Allô, allô? si le logiciel est sourd, c'est que t'es connecté en général. Mais après, il faut rentrer dans un salon pour se connecter avec les autres, tu vois. J'ai Non, l'impression mais qu'on ce que je veux s'entend dire, pas, c'est hein. que comment tu sais que les autres t'entendent? Ouais, mais ta barre, elle se différencie des autres barres. Elle est à gauche, on est d'accord. Moi je t'entends. Moi, Seb, j'ai l'impression que tu parles devant deux qui ont tout. Allô? Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? En tout cas, Luc, moi je t'entends très bien. Oui, moi je t'entends. Tu m'entends pas? German. Mais tu m'entends pas, apparemment. Mon micro, il est sur l'entrée 1 et mon piano sur l'entrée 2. Seb, tu m'entends? En mono, toujours. Ok, on dirait que tu parles dans un talkie-walkie, c'est ouf. Non, par contre, je t'entends pas, ton Luc. J'entends pas ton piano. Pareil. Ouais. Non, mais ça, c'est pas un problème d'être en mono. Ouais, la voix, c'est bon. Pas grand-chose, mais le problème, c'est que j'aurais pu le... Je pourrais plus parler, quoi. Stéréo, en stéréo. Thank you. Yassem, on t'a perdu dans la bagarre. Ah. Oh, dommage, t'as... Yo, yo. Elle était bien, hein. Franchement, le gars qui a chanté, là, super. Hein. Tu m'entends, Mika, toujours? Ah. Ah, t'as pas écouté? Ah, il y a Lucky Luke qui arrive. Et t'as vu, il y avait le sosie à Luc Marin, chilien. Il y a un gars qui est venu, c'était il nous a lui. Fait une super voix. Oh, le mec avec la vidéo. Non, un truc vraiment bien, bien, super, franchement, super joli. Hein. Ah, j'ai bien kiffé. Hein. Ah, franchement, terrible. Hein. Luc, je sais pas ce qu'il y a. Là, je crois qu'on a, on a peut-être à voir Luc. La voix, le son, le piano. On a perdu Seb, hein, je crois qu'il a abandonné. Mais ça met du temps à charger ce soir, hein, je trouve. Hein. Il doit y avoir du monde sur le réseau. Ah ouais. Lequel? C'est bon. Il y a un gars qui a chanté. Nickel. Qui a joué, tu veux dire? Mais j'ai pas entendu la voix, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas entendu la voix. Comment ça se fait que j'ai pas entendu la voix? Qui viennent, qui repartent, ouais, ça charge. Ouais, c'est chargé ce soir. Et j'entends Seb. C'est bon pour Seb. C'était terrible, hein, hein? Non, le gars qui a chanté là. Un Jérôme. Mais tu m'entends? Mais je sais pas ce que t'as fait. Je sais pas ce que t'as monté. Je vois pas Seb. Seb. Je disais bien, normal. Tu jouais à côté, tu jouais tout seul en fait. Il est où Seb? J'entends la voix de Seb. Ouais. Ah, okay. Là, on a Luc qui est dans la place. Hein. Hein? Quoi? Ouais, il a du son, Luc, hein, c'est bon? C'est bon? Hein? J'ai pas entendu quand. Ouais, il y a le piano à Luc là. Yes, ah. Ah, j'entends Luc. Nickel. Ouais, ça y est, Luc, on l'entend. On entend Luc. Ouais. Ta rythmique, faut que tu l'augmentes, Mika. Ah non, c'était pas toi, Mika, désolé. Thank you.

Thank you. Thank you.